Alors, nous voici dans cette deuxième partie de la conférence du 1er décembre 1984, intitulée L'énigmatique centre de la Terre avec Alexandre Lachance. Alors, c'est la période de questions. Voici la première, Alexandre. Sur la rive sud de Montréal, y a-t-il une ouverture vers le centre de la Terre? On a prétendu qu'au Mont-Saint-Hilaire, il y avait une ouverture. Je ne l'ai pas constaté. J'ai arpenté cet endroit-là pendant un certain temps. J'ai rien trouvé, moi. Mais d'autres m'assurent qu'il y a une ouverture. Mais apparemment, je n'ai pas navigué assez. Mais je ne sais pas, réellement. Au centre, les 27 dont on parle souvent, est-ce qu'on relate l'endroit exact où ils sont? Ou s'il en manque Il y quelques-uns en manque d'ouverture? quelques-uns. Les plus en évidence sont ceux du Mont Shasta dont on a En parlé. Californie, On oui. sait de ça dans la rivière Fraser, en direction, en partant de Nanaimo ou de Terrace, Au déjà, nord de en Nanaimo, hein, montant tout le long de la c'est rivière ça. Fraser. Il y en a une dans Longavon. Oui, l'Himalaya, Ah, ben naturellement, dans oui, cette justement, région. il y en a une en dessous du Vatican, celle-là est En importante. dessous du Vatican, en En dessous dessous du de Vatican. l'église, il n'y a Saint-Pierre pas. de Rome. Oui, mais il n'y en a pas une en dessous de l'église Saint-Marc. Notre-Dame? Notre-Dame? Notre-Dame, Je sais pas, j'ai non. pas constaté. C'est-à-dire, ça m'a déjà été dit, mais je n'ai pas pu vérifier. C'est fort possible. Vous voulez dire Saint-Jean. Notre-Dame de Paris ou de Montréal? Non, de Paris. Ah, ça, certainement, ben oui. Les premiers qui en parlaient en 1902, c'est comme avec Flammarion. C'est là qu'ils ont trouvé cette Vierge Noire, cette fameuse Vierge C'est Noire. ça, oui. Hein? Ah Oui. oui, c'est comme Oui. avec Flammarion. Je ne l'ai pas visité moi non plus, mais plusieurs l'ont fait, oui. C'est ça. À l'Université Laval, il y a 5 ou 6 ans, il y en a qui sont descendus là, je pense que c'était 150 pieds sous terre, hein? Oui. Ouais, une très belle ouverture. Ensuite, y aurait-il pas Saint-Jacques, la boucherie? C'est là que Flamel était, n'est-ce pas? Oui. Ça co coïnciderait Ben, il n'y a pas d'erreur, ben oui. avec Nicolas Oh Flamel, oui. oui. Et à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui était le haut lieu par excellence, là, il y en a une certainement. En Espagne. Oui, en Espagne, justement, C'est dans le ça. nord d'Espagne, oui. Au Guatemala, naturellement. Oui, Hein? tout ça. Certains pays de l'Amérique du Ouais. Mais la Sud. seule dont j'ai la certitude, c'est celle du Mont Shasta. Ça, j'ai pensé par là. Ouais. C'est ça. Au centre de la Terre, il y a-t-il des mers? Merci. Oh, c'est la prolongation, le prolongement de la mer, de l'unique mer qui est la surface de la Terre. On dit mer Atlantique, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, etc., l'océan Indien. Mais c'est une seule masse d'eau qui circule à travers la surface et l'intérieur de toute la Terre. C'est la même eau, la même eau. Certains endroits, elle est salée, d'autres, elle est dessalée, elle est fraîche, mais c'est toute la même eau. La Terre est ni plus ni moins qu'une éponge. Hein. À travers les espaces de cette éponge-là, l'eau circule incessamment. Comme l'air. Absolument, c'est un élément, un des éléments. Maintenant, cette eau-là est une, elle est toute reliée. Selon le terrain, à travers lequel elle passe, ça prend différentes caractéristiques. Parce qu'elle tourne à partir de l'ouverture nord à l'ouverture sud en spirale. Puis elle monte en spirale également. Puis le seul écart qu'il y a dans ça, c'est ce qu'on appelle le Gulf Stream, où l'eau est chaude, un courant chaud. Un T'as peut-être courant entendu chaud, parler qu'on comme appelle. qu'on a sur la surface extérieure de la Terre. Exactement. C'est ce qui, Il y a la même chose à l'intérieur. c'est ça. Dans certains cas, c'est ce qui maintient les climats Oui, justement. tropicaux. Alors, le Gulf Stream part de l'intérieur de la Terre d'abord. Part de l'intérieur de la Terre. Il y a des endroits où à la surface de la Terre, où à peu près 30 à 40 pieds, l'eau est froide. Puis il y a de la vie. Puis plus bas, l'eau est tellement chaude que tu peux prendre un poisson, par exemple une truite, disons, tu la sors là, puis tu la descends 30 pieds plus bas, puis elle va cuire. À ce point-là. L'eau est bouillante en dessous. Puis froide, elle refroidit à mesure que tu arrives à la surface. Tu prends ton poisson, tu dis, c'est un bel échouillon, ou quelque chose comme ça. On va le descendre, on va le faire cuire, on va manger tout de suite. On le descend 5 ans plus loin, puis on sort. Ah oui, ah oui. Ah, mais lui, il doit pas se laisser descendre Non, mais il n'y a pas le choix, là, il est pris. de Ouais. Comme la truite de Schubert, hein. Ici, c'est une très bonne question, Alexandre. Ça me fait penser au programme de la question de 64 000 $, là. 64,000 $ question. Que va-t-il arriver au centre de la Terre quand celle-ci va se stabiliser sur son axe? Ça va durer une seconde seulement, hein? Ah oui, ça va durer une seconde. C'est simplement un soubresaut que vous faites pour prendre son haleine. Oui, mais 7 secondes vont entraîner un tas de Dans tout ce qui est choses. mobile, qui est la création humaine, ça va être secoué, hein? Ça C'est va être ça. secoué. C'est Mme Sergery ou Mme Loranger qui en a parlé il y a quelque temps, hein? Je suis pas au Ben, courant, dis-moi, mais. Jean-Louis, j'étais Ouais, ici. mais j'étais chez moi. Ah J'étais bon. malade. Alors, ce qui va arriver, ça va être un arrêt soudain d'une seconde, disons. Et la Terre va se secouer pour continuer son chemin après avoir repris son haleine. Alors, il y a bien des changements qui vont se faire, surtout à l'équateur. À l'équateur, parce que la course est plus rapide vers l'équateur, du moins relativement à la surface. Les eaux vont changer de place. Oui, justement, il va y avoir des inondations, définitivement. Ça sera peut-être un autre déluge. Ben, oui, des inondations surtout, oui, parce que des eaux intérieures, des eaux de l'intérieur de la Terre qui vont venir à l'extérieur. Surtout de l'eau chaude, hein? Puis là, le Gulf Stream va changer de direction. Alors ici, Alexandre, est-ce que le Mont Saint-Michel serait une entrée? D'abord, c'est un centre initiatique, hein, de Mont-Saint-Michel. Mont Saint-Michel en Europe. En Arabo, je veux Oui, parler, oui, OK. justement. Et je me demande si on ne parle pas du Mont Saint-Michel ici au Québec. En Europe, C'est en Europe, sans doute, oui, justement. OK. Le Mont-Royal, est-ce que ça en serait une autre? Ça ne m'étonnera pas. Il y a un terrain volcanique, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait assez de recherches dans ce domaine-là, sur les lieux dans la province de Québec. Il y a des choses étonnantes à découvrir. Ça, c'est un fer, c'est reconnu, oui. Ah oui. Une expédition sur le plan matériel n'aurait-il pas un caractère profane, voire même anti-spirituel? Je ne crois pas. Je vois pas plus raison, pas plus qu'une expédition sur la Lune, le serait. On cherche à non seulement envahir notre cosmos, mais le comprendre. Tout dépend de l'individu, je pense aussi, Oui. Alexandre, parce qu'un individu qui a atteint un point ou qui a commencé ou qui a établi une conscience cellulaire dans son corps physique et qui ressent qu'il faut qu'il y aille là, Oui, il c'est va y aller. l'agrandissement de sa C'est conscience. ça, il va y aller. On cherche toujours Mais à englober de plus en plus notre environnement, c'est parce ça. qu'on fait un avec notre environnement. Alors, il n'y a rien de profane, ni C'est ça. Pour de certains malin. individus, non. Pour d'autres, oui. Ben, ce sera un scrupule faussement basé. Je vois vraiment pas quel scrupule qu'on pourrait avoir pour ça. Oui, mais ce que je veux dire, Alexandre, c'est que d'autres vont être attirés à faire d'autres choses. Ah, ça c'est possible, ben oui, parce que les forces sont toujours deux pour. Si on C'est s'écoute de peut-être. l'intérieur, si on Ah écoute oui, nos justement, cellules, on... oui. Mais ce sera des individus disparates plutôt. Mais normalement, ce sera bienfaisant pour toute la race de savoir quelle est la nature de son cosmos ou du monde dans lequel il vit. Il m'apparaît paradoxal de dire que le centre de la Terre est un paradis habité par des entités évoluées. Et qu'en même temps, les États-Unis et l'URSS s'intéressent à ce même centre à des fins de contrôle militaire. Contrôle militaire dans le sens qu'il pourrait avoir accès au globe tout entier, sans avoir à combattre les lignes de frontières. C'est-à-dire qu'ils pensent cela. Il croit ça, oui. On dit, même notre auteur ici, nous dit que celui qui contrôlera le centre de la Terre aura le dominion, aura l'empire sur toute la Terre. Parce qu'il pourra, d'un instant à l'autre, avoir accès d'un continent à un autre, comme ça. En parlant d'auteur, Alexandre, quelqu'un m'a demandé tantôt si tu pourrais mentionner les titres des volumes et Oui. ainsi que leur auteur de Oui. façon à ce que des gens puissent se Oui. les procurer. Il y en Alors, a si qui tu avais sont des bien crayons, des importants. papiers. Le premier, je dirais, qui est indispensable, celui qui a été écrit par Raymond Bernard, l'impérateur de l'ordre rosicrucien, est intitulé La Terre creuse, celui-là. On peut se le procurer à la bibliothèque ésotérique ou chez Pierre. Hein? Pierre, c'est à la bibliothèque du Saint-Graal, hein? Librairie du Saint-Graal, Librairie c'est du ça. Saint-Graal. Maintenant, les autres sources de documentation qui sont aussi précieuses, j'en sais quelques-unes. Celui-là est en anglais. Il s'appelle le Smoky God. Le Smoky God, c'est ce nuage de matière cosmique qui est au centre de la Terre, qui est lumineux. Il est lumineux à cause de spirales ascendantes partant des terres du Sud, c'est-à-dire de la croix du Sud, et de Polaris. Et Ce qu'on appelle le soleil noir. Oui, justement, oui. Maintenant, il y a un autre volume ici au sujet des énigmes de la Terre. C'est des ombres sur les étoiles les énigmes de la Terre. C'était intitulé par Peter Colosimo. Peter Colosimo est l'auteur de ça. Il est très possible, c'est authentique. C'est un savant de première envergure. Je pense que Peter qui? Colosimo. Colosimo. Hello, S-I-M-O, oui, Colosimo, ouais. Il y a une documentation très authentique dans ce domaine-là, puis il fait partie de NASA, je pense. Hein? Bon. Il y a des bulletins qui ont été mis par NASA l'an dernier. Il y en a un qui était signé de ce bonhomme-là, Colosimo. Je sais pas quelle raison qu'il se trouve être là. C'est un savant qui est très peu connu. Il vient du Danemark, quoi. Les ombres sur des ombres sur les étoiles. Oui, en relation avec la Terre énigmatique. Maintenant, les étoiles, il veut dire des planètes, certainement. Parce que les étoiles ne sont pas affectées par les ondes du cheminement des planètes. Mais dans tout le système solaire, il y a des phénomènes qui se passent, qui ont trait avec le comportement de la Terre. Et inversement, qui affectent le comportement de la Terre aussi. Ça, c'est écrit par notre bonhomme Peter Colosimo. Il est précieux, celui-là. Et l'autre que je viens de vous citer, c'est The Smoking God. Il est écrit en anglais seulement. Le Dieu ombrageux, ombreux. C'est ce nuage de poussière cosmique qui est diaphane, puis qui provient de la spirale ascendante et descendante qui fait le tour de la Terre intérieure, l'intérieur de la Terre. Ce sont ces trois seuls volumes que je peux vous recommander, excepté les deux qui sont reconnus de tout le monde, celui de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, hein? Ça c'est précieux, et de Burroughs-Littell qui écrit La race qui nous supplantera. Par La race qui nous supplantera ou La race à venir, un autre auteur l'a traduit comme ça. C'est les habitants du centre de la Terre qui un jour viendront. Mais ce ne sera pas pour nous dominer, ce sera pour nous aider, pour nous réveiller à la réalité de leur existence. Alors, la race à venir, ça c'est la race intérieure. Burroughs Lytton, Burroughs, Lytton. Burroughs Lytton. Il a écrit Les derniers jours de Pompéi, on lisait ça il y a une cinquantaine d'années. 60, Pas moi, Alexandre. C'est bizarre. Excusez-moi. Mais moi, oui, on lisait ça, c'est bizarre, ouais. Alors, regarde, tu dis, on lisait ça, on a 50 ans, hein? Oui, t'as menti, c'est pas hier. Oui. Maintenant, j'aimerais aussi mentionner que s'il y en a qui sont sur la rive sud, il y a le bazar astral sur le chemin Chambly, juste au nord de la rue Sainte-Foy, où vous pouvez vous procurer ces volumes. Et puis, pour ceux qui sont dans la région de Saint-Eustache, il y a aussi la librairie ésotérique de Saint-Eustache. Oui. Il y a aussi, sur la rue du Lutte, à Montréal, la librairie Le Centre. Et puis, naturellement, le Saint-Graal sur Beauvais. Oui, c'est vrai, il y a une belle documentation aussi. Oui. Y a-t-il une différence entre l'Agartha et Shambhala, comme vibration et autres? Je croyais que c'était deux endroits différents. L'une est au sein de l'autre. Shambhala est au sein de l'Agartha. Au sein, dans quel sens? Au centre, c'est-à-dire, ça en est la capitale, pour ainsi dire. Pareil comme Ottawa est la capitale du Canada, disons. Alors, Shambhala est la capitale, la ville centrale. On lui donnait comme nom autrefois Héliopolis, hein? C'est ce qu'on appelait Héliopolis, la cité solaire. Alors, l'une, c'est le centre de l'autre. Où se trouve l'entrée du centre de la Terre au Québec? Merci. J'aimerais vérifier si l'ouverture qu'il y a, il y a une ouverture au Mont-Saint-Hilaire, est vraiment une ouverture, mais c'est rien qu'un éboulis qui s'est fait il y a quelque temps. Il y a aussi en Gaspésie, hein? Ah oui, en Gaspésie, il y en a une près de Chandler, près de Chandler. C'est ça, hein? Oui. Parce que là, même que c'est gardé Mais militairement il y a aussi un rocher en Gaspésie qu'on appelle le rocher percé, qui se déplace maintenant. Il se déplace assez considérablement. Alors, on prétend que là où il y a le rocher percé, il y a une ouverture là. Parce que ça se rapproche du massif central. On n'avait jamais constaté ça depuis 300 ans, depuis le temps de Cartier. Alors là, il se déplace régulièrement à tous les printemps, quoi. Alors, il y a certainement une ouverture qui se referme là. Alors, ça part de Chandler, ça va jusqu'à Gaspé, jusqu'à Rocher Percé, Rocher Percé. Alors, c'est Rocher Percé, il y a une raison pour ça. Puis, des fois, il n'est pas percé dessus, il se trouve descendre et remonter. Alors, ça se déplace, là. Il y a probablement une ouverture là aussi. Les humains qui vivent au centre de la Terre sont-ils des maîtres, des initiés ou simplement des êtres comme nous avec leurs défauts, leurs qualités? La majorité sont très évolués. Par exemple, les gens qui ont une bonne formation morale aussi bien que scientifique et depuis plusieurs millénaires. Alors, ils ont un avantage sur nous qui, depuis à peine quelques centaines, quelques siècles, avons commencé à développer une soi-disant culture. Alors, ces gens-là, en général, la majorité, sont très évolués. Comme dans toutes les sociétés, il y a des retardataires, j'en doute pas. Mais en général, ils sont très évolués, moralement, scientifiquement, et au point de vue des éléments sociaux, l'égalité. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gouvernement militaire dans cette situation. Aucun gouvernement militaire. Comment les explorateurs ont pénétré au centre de la Terre sans équipement adéquat? Celui qui a pénétré le plus profondément, c'est lui que je mentionnais tout à l'heure, Admiral Richard Byrd, il y avait de l'équipement. Il y avait de l'équipement. Des bonbonnes d'oxygène pour remplacer le nitrogène, pour combattre les effets de nitrogène. Et je pense que c'est le seul équipement qu'il y avait. Lui a pénétré en avion, surtout. En avion, oui. En avion. Alors, à ce moment-là... Mais il a débarqué, il a marché sur le terrain. Oui? Oh oui, il a débarqué. En avion, il a atterri, puis tout ça. Il a atterri sur les plages du Grand Fleuve. Ouais. C'est un fleuve qui sillonne en spirale, comme ça, descendant. Il a atterri. Il n'y a pas de nom, j'ai jamais entendu donner de nom. Alors, c'est la continuation des mers de l'Arctique, les pygmées, qui descend en spirale en passant par l'ouverture. Toujours en spirale, hein, oui, parce que la Terre tourne. Ouais. Alors, il faut que ce soit ça. Elle spire, hein? Les ouvertures aux deux pôles existent-elles continuellement? Et si oui, pourquoi les satellites ne filment pas ce phénomène plus souvent? Hein? Je peux pas le dire. Mais elles existent continuellement, ça, c'est impossible que ça soit autrement. Ces ouvertures-là existent. Maintenant, les photographier, comme vous voyez, NASA en a photographié quelques-unes. C'est pas une chose unique, il y en a eu un très grand nombre. Ils ont paru dans Scientific American, c'est là c'est le plus éloquent qu'on a trouvé. On les a photographiés, mais il y a toujours la conspiration du silence au sujet de ce chose-là. On ne peut pas trop révéler. Vous avez parlé de l'abominable homme des neiges. Oui, on a vu pas plusieurs exemplaires de ça. Est-ce que ces êtres sont évolués et positifs? On n'a pas du tout établi contact avec eux. On les a vus, on les a poursuivis, mais c'était le seul contact qu'on a vu. On a essayé à maintes reprises, on essaie encore. Il y a des bonhommes qui ont voué leur vie à essayer d'entrer en contact avec eux. Mais ça n'a pas été encore. Ils n'ont pas réussi. On est sûr de leur existence. Il y a 27 cas authentiques sur leur existence. Mais des photos, des films. Oui, des photos, oui. Mais on n'établit aucun contact loquace avec eux. Échange, ce qu'on peut déterminer, c'est qu'ils sont gigantesques. Hein? C'est ça. Puis qu'ils sont... 39 et 11 pieds. Oui, justement. C'est ça. Ah. Plusieurs volumes ont été écrits. Ils sont velus. Oui, ils sont velus, justement. Oui. Velus. Oui. Ah. Excuse-moi. Oh. Parlez-nous davantage des êtres vivants, entre parenthèses humains, qui habitent le centre de la Terre. Les abominables hommes des neiges sont-ils plus ou moins évolués que nous? C'est cette classe-là de résidents du centre de la Terre, c'est ceux qui ont voulu s'échapper de l'Agartha et qui se sont perdus dans les méandres de la surface de la Terre, dans les méandres de 30 000 de diamètre. Là. Alors, ils ont perdu leur pied à terre, où était leur habitat habituel. Là, ils sont réduits à des moyens de bord. Tandis qu'au centre de la Terre, ils ne subissaient pas ces choses-là. Ils ont été chassés de leur propre paradis, disons, hein, paradis chat. On m'a déjà mentionné que le centre de la Terre contenait plusieurs entités négatives et qu'il était hasardeux de les contacter. Qu'en pensez-vous? Rien du tout. Il pourrait y en avoir à la surface de la Terre, des gens nocifs, par exemple. Alors, dès qu'on reconnaît leur état de nocivité, on les évite. Plutôt que de les combattre. Au centre de la Terre, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça, mais normalement, la paix y règne, l'harmonie y règne. Parce qu'il n'y a pas les intempéries caractérielles que l'on voit sur la face de la Terre. Il n'y a pas de belligérance d'abord, pas de guerre. Non, ça n'existe pas. Non, par contre, Alexandre, si si on regarde ou on pense à un autre aspect de l'intérieur qui est la suivante, que tantôt on pense, on admet que l'âme de la planète, soit le corps astral de la planète Terre, circulerait à l'intérieur aussi. Oh, définitivement. Alors, à ce moment-là, il faut que ces individus-là ne soient pas assujettissables à l'astral de la planète Terre. Mais voici, l'astral a plusieurs couches, hein. Oui. Ce sont des plans de conscience. Les plans de conscience peuvent se superposer, peuvent lutter les uns contre les autres. Mais on accepte seulement ce qui est de même nature que nous. Les gens nocifs sont en relation directe avec des éléments nocifs. Et dans le cas Encore régi contraire, par le taux de de vibration, vibration taux justement. vibratoire. C'est pour ça que le Nazaréen a pu descendre dans les enfers Oui. sans être souillé, Oui, justement. ainsi que les grands peuvent pas être souillés. Okay. Ces hommes qui ont été au centre de la Terre ont-ils pu converser avec ceux du centre? Ont-ils eu des échanges, des contacts? Merci. Des contacts, des échanges plutôt par signaux que par conversation, parce qu'il n'y a aucune similitude entre le langage de ces gens et le nôtre. Même Sims, qui prétend avoir établi contact, c'est le seul terme qu'il emploie, avec eux, pendant plusieurs jours, n'a jamais pu faire mention d'une relation intellectuelle quelconque. Est-ce qu'il a établi contact, un échange d'intelligence plutôt par signe, mais jamais de langage clair, compréhensible par les gens de la Terre. En ce qui concerne le corps physique, est-ce que Pas mal semblable au nôtre. Pas mal semblable au nôtre, oui. Il y a plusieurs volumes qui ont été écrits au sujet des races pré-adamiques, hein, donc il en reste des vestiges au centre de la Terre. Pré-adamique, c'est celle qui précède la race de l'Homo sapiens, justement. Mais ce sont des hominiens, pas rien que des anthropoïdes, des Et c'était des êtres qui étaient moins évolués moins qu'on évolué, l'est oui. Au point aujourd'hui. de vue, c'est-à-dire en relation avec ce qu'on appelle l'évolution technocratique, hein. Oui. Alors, il n'avait pas la connaissance scientifique, toutes les inventions que l'on a surajoutées, mais par contre, il avait une culture qui lui a permis de survivre Oui. depuis longtemps. Et la Terre intérieure existe depuis bien avant, c'est-à-dire la civilisation existe depuis bien avant la race adamique, bien avant. Plusieurs millénaires, je dirais. Puis la race adamique est toute récente. Je dirais le maximum de son existence, c'est 68 000 ans à peu près. Peut-être que les Lémuriens, qui datent de ce point 68, 70 000 ans. L'Atlantide, à peu près 15 000 ans de plus. De moins, je devrais dire. Et ensuite, ça nous tombe immédiatement en Égypte. En Égypte et au Tibet. Où se trouve le centre Chasta? Le mont Shasta. C'est Au plutôt le centre de mont Le mont Shasta, parce qu'on Shasta, en a oui. parlé tantôt, j'imagine. C'est en Californie au 40e, au 40e, non, au 22e parallèle. Je sais que c'est au nord de la Oui, Californie, hein? au 22e parallèle. 22e parallèle. Là, c'est là qu'il y a un ashram qu'on appelle le Bodhioul. L'ashram Bodhioul, le centre de la Terre. Donc, 22e parallèle. Ici, Alexandre, il y a quelqu'un qui aimerait apporter un témoignage confirmant différentes théories dans ce que tu as énoncé tantôt. Et c'est un monsieur qui est parmi nous, c'est Monsieur Benoît Trudel. Alors, j'ai accepté, disons par exception, ce soir de laisser quelqu'un faire des commentaires et ainsi que Monsieur, pour te poser bienvenue, bienvenue. quelques questions. Alors, Monsieur Trudel, Bienvenue. Oh Alexandre. oui, monsieur. Oh oui, vous êtes bienvenue. Merci, je m'excuse parce que je ne savais pas avoir. Mes affaires, j'en prie. Non, restez là. Je faisais que 21-22, je suis capable de le dire tout le monde. C'est pour confirmer, si je vous dis qu'au centre de la Terre, c'est faux. Oui. J'étais en séminaire où j'ai travaillé dans les mines d'or en Abitibi. J'ai descendu jusqu'à 3350 pieds sous terre. Dans les premiers levels, les premiers niveaux, là, il y avait des glaçons qui pouvaient être gros comme la jambe d'un homme. C'était très, aussi, oui. très humide. Oui. Ça prenait des bons habits pour ça. Oui. Ça, plus qu'on descendait, plus que c'était chaud. À un point tel que c'était plus résistable. C'est un fait. Nous autres, les mineurs, on faisait des faces, on disait qu'on s'en allait sur le diable. Oui. Ça, c'est reconnu. Par contre, on a trouvé. C'était vérifié. Par contre, on a trouvé des veines d'eau tellement froide qu'on avait peine à les boire. Oui. À boire. Impossible de les colmater, tellement que la pression était forte. Oui. On est obligé d'installer des sump-pompes au fond de la mine supplémentaire pour oui. faire de monter ce taux-là. Il y a bien des divergences de température quand vous descendez à quelques mille pieds sous terre. Oui. Hein? Par exemple, je parlais d'une rivière où l'on peut pêcher à la surface dans les 30 à 40 premiers pieds, puis si vous descendez plus bas, vous faites cuire le poisson que vous avez pêché. Oui, oui, oui. Hein? Alors, dans les mines, dans le nord de Bétivy, dans l'eau d'avant, par exemple, vous avez la même chose. Oui. Différentes températures. L'eau peut être très glacée, puis un peu plus loin, elle est très froide. Elle est très chaude, dis-je. Oui. Ça, c'était constaté. Oui. Je constatais moi-même, d'ailleurs. Mine Sigma pour le Mac et East Malartic, que j'ai travaillé, puis on n'a pas trouvé d'eau chaude. Non. À Malartic, là? Ouais. Malartic et Val d'Or. Oui, dans Val d'Or, oui. On n'a pas été capable d'en trouver. Dans l'Ungava, vous voyagez dans l'Ungava? Non. Parce que je parle, c'est dans l'Ungava. Ah bon, ouais. Oui. Maintenant, pour les Russes, eux qui exploitent tout, ils doivent sûrement faire des grosses recherches pour cette bouche que vous nous avez montrée, la photo, là. Oui. Parce que leur science secrète est plus que très avancée. Il n'y a pas de doute. Ils doivent travailler beaucoup là-dessus. Là. Oui, depuis longtemps. Ensuite de ça, langue des neiges. Ouais. J'ai lu dans Sélection en 64 que un groupe d'étudiants était allé explorer un territoire. Ouais. Puis ils ont aperçu des traces enfoncées d'un pouce et demi dans le sol. Oui. Ils ont assez lourd, hein? Oui. C'est gigantesque. À côté de leur trace, les autres, ils ont prétendu, d'après leur calcul, que cette bête-là, ou comme on peut dire, pouvait peser jusqu'à 700 livres. Je crois, hein? C'est des géants, véritablement des géants. Ils ont parti à la suite de ces traces-là, ils ont retrouvé l'être recherché, puis ils l'ont cerné, ils l'ont emmené au pied d'une montagne. Puis, là, il était comme dans un cul-de-sac, il ne pouvait pas traverser la montagne, c'est trop haut, il n'y avait pas aucune sortie, là, il l'avait, là, c'était les autres. Là. À un moment donné, l'être a disparu. Ce qui prouve qu'ils ont plus de science que nous autres, pour être capable de passer au deuxième plan comme ça. Vous pensez qu'il est disparu comme ça, il s'est subtilisé? Oui, il est disparu. Ou qu'il a pris avantage d'une ouverture quelconque pour... Non. Non? Ils ont très bien exploré l'endroit, puis il n'y avait pas d'ouverture. Pas d'ouverture. Il a simplement disparu. Il a simplement disparu. Il s'est utilisé. Il a passé sur un autre plan. Fait qu'ils sont sûrement plus scientifiques que nous autres. Ça, c'est à noter. C'est possible. Ça faisait une dans Sélection de Rudolf d'Agen. Oui, en 64. Souvenez-vous du mois? Non. Là, je trouvais ça, on demande des renseignements. J'en ai écouté pourtant 2 ans, il n'y a pas longtemps. Selon notre ami, on va passer un petit peu plus vite. Selon notre ami Richard Glenn. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Un peu, oui. La couche terrestre serait de 18 kilomètres. Je ne sais pas ce qu'est-ce qui a privé son information, là. Parce qu'elle est plus. Prends mes renseignements de la Béthermie, par exemple. Hein? Oui. La Béthermie, les grands géologues. Puis, alors, je détermine l'épaisseur de la côte terrestre à 30 000. Puis le diamètre de la Terre, à 8 000 milles. La circonférence de la Terre à 25 000 milles. Ça, c'est authentique, c'est confirmé par l'année géodésique, qui était faite en 1940, hein? Oui. Alors, ça, c'est des faits qui sont confirmés par Picard également, qui est monté dans la stratosphère pour calculer ça. Ça peut peut-être dépendre aussi de l'endroit, Alexandre, parce qu'il doit y avoir des endroits parce que c'est plus épais que d'autres. Oui, justement. Puis, comme on dit, la Terre est aplatie au pôle, aux ouvertures polaires, puis entrée à l'équateur. Ouais. Maintenant, pour le Mont-Saint-Hilaire, j'ai un ami qui est policier, qui a deux petits garçons l'ont emmené à un endroit, ce que c'est qu'il y a une ouverture, ou ce que c'est qu'il n'y a pas aucune lumière de poche, ni fanal, ni chandelle qui fonctionne. C'est là, ils ont trouvé l'endroit. Puis, on l'a vu à distance avec mes jumelles. Il voulait s'équiper comme policier, là, qui est policier, là. Il voulait s'équiper pour son habit de scaphandre pour rentrer explorer ça. Là, je ne l'ai pas vu depuis, je ne sais pas, mais il paraît que c'est vrai. C'est possible, plusieurs en ont parlé, moi, je n'ai rien constaté. C'est-à-dire, je suis allé une fois, mais je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé dans les entours, j'ai piétiné, mais je n'ai pas trouvé de voiture d'abord. Une dernière question. Ouais. Les flottilles passeront à la mi-décembre, prêt, pour diffuser des messages au monde. Ce que vous parliez tout à l'heure, les intraterrestres vont venir nous porter des messages. À la mi-décembre cette année? J'ai honte. J'ai honte. Merci. Merci pour votre renseignement. C'est précieux ce que vous me donnez là. De toute façon, ça va prendre juste 15 jours pour vérifier. Ben oui. C'est moins pire que quand on fait une prédiction de 2 ans puis 3 ans, là, c'est long, on les oublie même. Ben, Madame Laranger, Carmen Laranger, a parlé de ça. Ça, ah oui, ouais, mais ça. On sait très bien, Alexandre, que lorsque c'est divulgué, il y a toujours une erreur qui va se produire, soit dans le temps, parmi les plus grands voyants, soit dans le temps ou dans l'événement, il y a toujours une erreur. On peut s'attendre à ça. C'est ça. Ceux qui savent réellement ne parlent pas. Ah, oui, ou ils parlent avec réserve. C'est ça. Alors, faut prendre ça avec un petit grain de sable. Il faut toute la salière. Il faut toute la salière. Est-ce que le centre de la Terre serait l'Atlantis d'autrefois? Atlantide. Non, je n'y crois pas. Il y a encore des parties de l'Atlantique qui sont en émergence encore, hein? Par contre, Alexandre, dans la théorie que tu as énoncée ce soir avec le revirement, là, oui, la torsion de la Terre, justement, dans l'endroit où étaient l'Atlantide avant, autrefois, d'ailleurs, il y a encore des vestiges dans le fond de l'eau, on a fait des photographies et on voit les pyramides, c'est ça? C'est dans le mur. Alors, pourrait-il ne pas y avoir eu cette torsion à cet endroit-là? La torsion a lieu à l'équateur. Pour qu'elle ait eu lieu à l'équateur. Oui, mais on parlait tantôt aux Bermudes, le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes couvre une surface d'à peu près 180 000 d'un côté, puis 200 des deux autres côtés. C'est un triangle isocèle, à peu près. Ouais. Bon, c'est petit, c'est vrai. Oui. Très petit. Mais ça, cette torsion-là attrait à l'atmosphère même, ça. À l'atmosphère, non pas à la surface géologique. Ah bon. C'est l'atmosphère qui se tord. C'est un chenal, derrière, si on veut. L'atmosphère, c'est une moins la couche extérieure, mais les matériels, l'atmosphère est matérielle. Hein? C'est sous forme de gaz, si vous voulez, mais c'est matériel quand même, un gaz est matériel. Alors, il subit une torsion. Ouais. Pouvez-vous nous parler un peu plus d'Horton? Horton, Madame Laranger, nous en avons parlé dernièrement. Il vient de Borup, au Danemark. C'est depuis 1967 qu'il émet des messages provenant du centre des chercheurs en sciences cosmiques. Hein. Alors, ce bonhomme, il est définitivement visionnaire et il existe sur le plan terrestre depuis 1903 qu'il fait des prédictions. Et c'est en 1963, 60 ans après, qu'on a commencé à réaliser que tout ce qu'il m'a prédit, c'est à réaliser. Et son l'aide de camp, si on peut l'appeler comme ça, Achtar Sheran a prédit la même chose en 1978 et 70. Alors, ces deux-là sont deux visionnaires pérenniels, parce qu'ils existent depuis le début du siècle, qui sont encore en circulation. À Borup, c'est là qu'ils ont établi leur centre. Mais les phénomènes ont lieu à Woking, en Angleterre, quand... type qui était médium les a contactés tous les deux, puis il a donné des renseignements au public depuis ce temps-là. Il y a un an et demi ou deux, un nommé, celui qui avait fait une prévision pour l'ouverture de l'arrivée du Maitreya. Si vous venez de qui je veux parler. Là. Benjamin Krem. Alors, il était en contact avec Borup dans ce temps-là. Alors, ces trois-là sont sur la même longueur d'onde. Ils veulent mettre en vedette ou veulent faire accepter comme un fin inévitable, les événements de la fin du siècle. L'arrivée des armadas de visiteurs de transport dans des endroits désertiques tels que l'Arizona, le Nevada, la Californie, et en Australie aussi. Alors, je pense qu'on peut suivre sur ça, c'est assez prévisible. Alors, je ne contredis pas. Alors, ça vient du Danemark, ça c'est là qu'a commencé le mouvement de recherche en sciences cosmiques. Que pensez-vous de Carl Jung? Oh, Carl Gustav Jung, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ben oui, j'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme-là. Il a brisé compagnie avec Freud, Sigmund Freud, parce qu'au lieu d'être simplement psychanalyste Le psychiatre était aussi psychologue très avancé, et scientiste également. Puis il a une connaissance de l'histoire, de la préhistoire, plus que tous les autres psychologues de son temps. J'ai beaucoup de respect pour ce bonhomme-là. Ici, Alexandre, une question qui sort du sujet de ce soir, mais c'est tellement bien écrit, je vais te montrer l'écriture après, c'est absolument extraordinaire. Monsieur Lachance, voulez-vous nous réciter le credo de l'alchimiste? Grand merci, Huguette. J'ai beaucoup de respect pour ce poète canadien qui est un émule de Victor Hugo. Son nom est Louis Fréchette. J'entends parler de lui, j'étais tout jeune à l'école, ça m'a tellement frappé que je m'en souviens encore. Je peux dire, ça va, tiens, oui, j'étais là déjà. On parlait de la mort, c'est une deuxième naissance. C'est une fausseté. Et notre bonhomme, Louis Fréchette, dit, un croyant, hein, il dit, pourquoi craindre la mort? La grande inévitable, que ce soit le repos, que ce soit le réveil, pourquoi de cette aurore ou de ce bon sommeil se faire sans raison un spectre épouvantable? Aucun fantôme n'est effrayant au soleil. De même qu'on accueille un ami véritable, si l'autre enfant prodi prend place à notre table, levons en son honneur la coupe au jus vermeil. Pour moi, je me confie en la justice immense. Ta justice à toi, Seigneur, monsieur la Clémence. Aussi, par ta bonté, cela sera assuré. Quand viendra le terme de ma course éphémère, je fermerai les yeux et je m'endormirai, sans peur, comme un enfant sur le sein de sa mère. Ça, c'est un credo qui vient du fond du cœur. Huguette, merci. Bien écrit, hein? Oui, oui, bien pensé, bien écrit. Ça plaît à tout le monde. Est-ce qu'ils ont trouvé les trois gars inconnus sur Terre? Trois gars, ah! Oh. C'est pour ça que je comprenais pas. Regardez. Est-ce qu'ils ont trouvé les trois gaz inconnus sur Terre selon le livre Durantia? Le livre Durantia. Il y a beaucoup de vérités scientifiques dans ça, même anticipées. Mais il y a des choses qui nous dépassent. Surtout ces trois gaz dont tu questions. Moi, je connais trois éléments dans l'univers. Ils peuvent se manifester sous forme de liquide, sous forme de solide, sous forme de gaz, ou sous forme de état de conscience seulement. C'est l'état dynamique qui s'irradie, hein. C'est l'amour universel. L'état magnétique qui attire l'essence vitale. La loi d'attraction. La loi d'attraction. Et la loi d'équilibre, le sel. Mais j'appelle le sel S-C-E-L, n'est-ce pas? Alors, un gaz, c'est quelque chose qui dépasse la pondérabilité, qu'on ne peut pas toucher. Mais lorsque tu parles de loi d'équilibre, c'est-à-dire ce qui équilibre, tu fais surtout mention entre le négatif et le positif. Exactement. Oui. La conciliation des contraires, c'est ça? La conciliation des contraires. Ces trois gars dont on parle, nos auteurs de Durantia, parce qu'il y en a plusieurs auteurs, je pense que c'est les chérubins de Nébadon qu'ils appellent, j'en pense, hein, de Nébadon. Non, c'est ça. Hein? Nébadon, je crois. Bon. Alors, je pense qu'ils sont 66 en tout. Ah, oui. Maintenant, je n'ai jamais pu déterminer qu'est-ce que vous voulez dire par les trois gaz. Ouais. Si c'est des gaz, ce sont des forces supérieures, des forces subtiles, ben c'est cela. Force dynamique, force magnétique et force équilibrante, réconciliante. Ouais. Alors, tout est gaz, hein? C'est-à-dire, tout est subtil. Et ça devient grossier, pondérable, palpable, à mesure que ça s'approche de la Terre, ou ça se coagule. Que le taux vibratoire baisse. Exactement. Si le taux vibratoire est très ralenti, ben, on peut le manipuler. S'il est très subtil, on peut simplement l'appréhender. Ouais. Ces trois gaz-là ne seraient pas les alertes dont on parlait cet après-midi. Justement, oui, puis on en a parlé précédemment parce que ça nous rend ces choses-là. On dit alef, bet, gimel, c'est les trois lettres mères. Mais moi, j'introduis toujours le shin, hein, le feu de la vie, quoi, au centre de ces choses-là. Pour faire l'équilibre entre les trois. Il n'y a pas de manifestation sans voir ces trois plans, corps, âme, esprit. Alors, les trois alephes, c'est exactement ça. Les trois choses indispensables à toute forme de manifestation. Alors que ce soit des gaz, que ce soit des principes, ça reviendra au même. Parce qu'à un moment donné, c'est sous forme gazeuse. Ah, mais oui, la nébuleuse, la Terre était une nébuleuse, alors c'est un gaz, n'est-ce pas? Une multiplicité de gaz qui en forme un seul. Alors ça s'est coagulé, à mesure que c'est véhiculé à travers l'espace. Mais c'était d'abord sous forme de gaz, la nébuleuse primordiale. Comme on disait, c'est le Big Bang qui l'a fait se coaguler. Alors après le Big Bang, ça boum. Hein? Alors là, c'était dans la Terre. Si la surface interne de la Terre est convexe, ou plutôt concave, je pense. Concave, oui. Concave. On a calculé concave, oui. C'est ça. Comment peut-il être possible d'y observer l'horizon? Maintenant, ici, on a fait des petits bonhommes avec des petits dessins pour expliquer l'idée, puis c'est assez bien. Voici. Maintenant, qu'on soit sur une surface concave ou convexe, on ne peut jamais voir plus loin que la portée de notre vision. Et on voit en ligne directe. On ne voit pas la courbe de notre atmosphère convexe ou concave. Alors, on ne peut pas voir plus loin que la capacité de notre vision. Là, ça dépasse, parce que du moment que l'on passe une ligne droite, ça dépasse. Vous voyez, on en a l'exemple dans ça quand on regarde à l'horizon, qu'on voit un bateau apparaître. C'est ça qui nous a donné l'idée de la courbature de la Terre. On voit d'abord le haut du mât, ensuite de ça, la proue, puis finalement, ça remonte en surface. Puis quand ça disparaît, c'est la même chose si ça descend à l'horizon. Mais on ne voit pas une courbe. On voit simplement une ligne où ça disparaît graduellement. Alors, à l'intérieur de la Terre, ce sera le même phénomène qui se manifeste, mais seulement sous une forme négative, spatialement négative. Comme contraire. Oui, exactement contraire, oui. Alors, là, notre horizon, c'est notre capacité de vision. C'est ça que fait l'horizon. Ce n'est pas l'espace même. Qu'il soit convexe ou concave, ça ne change rien. C'est notre capacité de vision. L'extension spatiale. Et notre extension est limitée. Selon le parallèle où l'on se trouve. Et comme tu mentionnais, si la comparaison est telle que tu l'as mentionné, soit si on prend une pomme proportionnellement, la croûte de la Terre serait l'épaisseur de la pelure. La pelure de la pomme, oui. C'est donc dire qu'à ce moment-là, l'horizon... Il est nul. Ça nulle, justement. Ça fait nul, oui. L'horizon est conditionné par notre capacité de vision, autrement. Ouais. La projection en soi-même. Oui, alors c'est comme ça qu'on a découvert la convexité de la Terre, ça. Rien qu'en observant la Lune, ça. On veut qu'un navire disparaissait puis descende à l'horizon. Il faut qu'il descende, il faut qu'il tombe dès qu'il s'éloigne. Ouais. Une question qui me vient, là, qui sort un peu du sujet, mais qui persécutait les gens qui disaient que la Terre était pas plate? Dans l'histoire. Je sais pas. Est-ce que c'était une... Ben voici, d'abord, il y a eu bien des persécutions au sujet des découvertes scientifiques ou des prévisions scientifiques. Prenons Galileo, qui disait que la Terre n'était pas le centre de l'univers, tel que c'était décrit dans la Bible. Mm-hmm. Alors, il disait que c'était l'erreur géocentrique, puis il proposait la réalité héliocentrique. C'était le Soleil qui était le centre de notre univers. Alors, bien des gens, Copernic également, a été persécuté pour avoir son prédécesseur. Pour avoir proposé que la Terre n'était pas le centre de l'univers, c'était simplement un grain de sable. Que pour notre petit univers, c'était le Soleil. Alors, dans ce domaine-là, on a persécuté bien des gens qui ont émis des opinions, soi-disant, farfelues. Beaucoup dans ce temps-là. Au 15e, 16e et 17e siècle. Ça a duré pendant toute la période de l'Inquisition. L'Inquisition, ça prend à cause du manque de foi ou des erreurs, des hérésies. C'était aussi des erreurs scientifiques. Giordano Bruno était brûlé, torturé, pour ses erreurs, ou soi-disant erreurs scientifiques. Ouais. C'est un homme très pieux. Ouais. Alors, Bruno était torturé à cause de ses prévisions scientifiques. Il disait que la pluralité des mondes habités, c'est sa première hypothèse qu'il a émise, qu'il y avait une infinité de mondes dans le cosmos, chacune était équipée d'un centre solaire avec des planètes. Et encore Pascal, qui nous disait lui-même, en parlant de son interlocuteur, je lui démontrerai dans l'atome une infinité d'univers dont chacune aura ses planètes, son soleil et sa terre. Exactement. Puis par delà, et dans l'infiniment petit, il y a la même chose que dans l'infiniment grand. Lorsque ça a été dit, ça c'était pas compris, c'était impossible. On vient juste de comprendre à peine. Oui. Une infime partie de la population commence à comprendre l'atome, la relation divine avec l'atome, la relation d'amour cosmique avec l'atome. Alors, dans le domaine de l'émancipation scientifique, il faut faire face à ce qu'on appellera l'impossible ou l'irrationnel. là, on a une chance de tomber dans la réalité. Autrement, ben, on reste, comme je disais tout à l'heure, sur le plancher des vaches, c'est tout. C'est ça. Ouais. On reste dans la croyance. Oui, mais la croyance n'est pas la cognition, ce n'est pas la connaissance. Et puis, la croyance se fait en masse. Ah oui, et puis, c'est la croyance, c'était l'air du poisson qu'on est en train de laisser derrière nous. La signature de l'air du poisson, c'est « je crois ». Là, on dit « je sais, je veux savoir ». Avant ça, c'était l'air de la violence, de la croyance, de la connaissance. Alors, chaque signe zodiaque a sa signature particulière. Là, on tombe dans l'air de la cognition. On veut savoir, pour tout moyen de discussion. C'est ça. D'ailleurs, on a le mental assez avancé aujourd'hui pour pouvoir savoir. Alors, on est saturé de la tête postée, puis on est notre voyage. C'est ça. Puis, lorsqu'on croit, on s'attache à nos croyances. Justement. Et lorsqu'on est obligé de décroire et abandonner cette croyance, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Ça fait mal. Tandis que tant qu'on sait... Non. On sait, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça. Ici, Alexandre, on confirme quelque chose qui... C'est-à-dire pas on confirme, on infirme quelque chose de très bien, je pense... Vision humaine limitée, vision avec notre esprit illimité. Oui, l'esprit n'est pas sujet aux restrictions du temps et de l'espace, n'est-ce pas? On peut se souvenir ce qui arrivera le lendemain, aussi bien que ce qui est arrivé la veille. Hein? Alors, on appelle ça la clairvoyance, la prémonition, ça n'a pas d'importance. Mais, si on se sert de notre esprit dans sa totalité, pensée cérébrale, rien que pensée par les facultés de nos sens, qui est juste sur un écran quelconque, là, on dépasse la portée de nos sens. Et on peut vraiment dépasser ces infirmités de la matière. Pourquoi les connaissances dont vous avez parlé ce soir sont-elles secrètes, bien gardées du public? Pour deux raisons. D'abord, même celui qui les enseigne, qui les préconise, les équipes, a peur de se faire ridiculiser par la majorité des gens. Si maintenant, elles sont pertinentes, ces connaissances-là, les gens ont peur que ce soit trop tôt pour les révéler au public. Alors, on le persécute. Des exemples, on a eu en masse de ça. Alors, il faut toujours rester sur le plan médian, équilibre entre le possible et l'impossible, entre le plausible et l'absurde. Alors, ça a toujours été comme ça depuis le début des temps. Puis ceux qui ont su, ceux qui savent, qui ne peuvent pas dire beaucoup de choses, eux, c'est parce qu'ils savent, ils sont en mesure de voir le tort que ça ferait aux humains qui peuvent pas entendre ça. Justement. Alors, ils vont le communiquer aux gens qui ont le taux vibratoire pour être en mesure de prendre ça. Ils prennent des moyens détournés souvent de la fabulique, par exemple, comme Jules Verne dans ses romans. Hein? Oui. Alors, ils représentent ça simplement comme des visions farfelues. Oui. Mais c'est à la haute science, Oui. Alors, on lit encore Jules Verne aujourd'hui. Et on constate qu'il y a des choses qui commencent à peine à se découvrir, à se réaliser. On dit, je viens d'en parler, il y a un siècle passé. C'est ça. Ah. Et certains prennent des moyens paraboliques, des discours paraboliques plutôt. Oui, justement. Puis de façon à ce que chacun prenne... Pour se protéger également. C'est ça, parce que définitivement, une personne qui... Il y a eu autant de torts qui étaient faits par l'inquisition scientifique que par l'inquisition religieuse. Un très grand nombre de savants ont été persécutés avant qu'une chance de s'exprimer correctement. Par exemple, dans le domaine de la religion. Alors, faut être prudent dans ce domaine-là. Et en alchimie, prenez le cas en alchimie, par exemple, si on allait révéler, je dirais pas les secrets, mais toutes les formules alchimiques, dire, tu peux faire ça, il n'y a rien d'impossible à ça. Alors, le monde entier se voudrait dans ça. Les bases dans ça. Définitivement, ça serait trop facile. Oui. Et comme ça, le monde dit, ben, enfin, il n'y a rien là, c'est simple comme tout. C'est ça. Quoi, je ne sais pas auparavant. C'est trop simple. Alors, en alchimie, c'est ça. Alors, on habille ça d'un tas de verbiages, de cabale hermétique, cabale phonétique, puis tout ça. Pour se protéger soi-même, pour pas mettre des armes nucléaires en possession de tout le monde. C'est ça, on peut faire une bombe atomique sur le poids des cuisines, vous savez. Ah oui? Ah oui, ça c'est un cher. Ah oui? Quand on dit qu'on peut transmuter des métaux, oui. On peut transmuter des cellules, des gens comme le comte de Saint-Germain, comme Nicolas Flamel, qui vivent depuis des siècles. Non, pas lui-même, Nicolas. Enfin, l'homme de la nature l'a fait pour comprendre nous. C'est juste de percer son secret, puis on peut le faire. C'est ça. Ouais. Puis, toutes les forces, naturellement, ont deux aspects. C'est une épée à deux tranchants. Elle est nocive dans certains cas, puis bienfaisante dans d'autres cas. Alors, ceux qui n'ont pas assez de jugement pour déterminer ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas, non, on ne leur met pas les clés en main, c'est tout. Alors, surtout dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la haute science, la science de la physique nucléaire, ça, c'est important. C'est ça, oui. Dernièrement, là, on commence à falsifier toutes les formules de physique nucléaire. Les falsifier, les réduire à des choses insignifiantes. Et si on révèle les formules, ben, on pourra faire n'importe quoi. Sur un poêle à gaz. Aux États-Unis, quand des bombes qui se sont faites aux États-Unis, des bombes que des étudiants ont fait côté expérimental, des petits gars de 17-18 ans, juste pour le fun, ils ont fait des bombes de 2-3 ans, là, des bombes atomiques. Oui, mais oui. En achetant des matériaux dans des quincailleries spécialisées. C'est ça. Ah oui, ça c'est pas une finisserie, c'est un fait, ça c'est constaté à bien des endroits. En science, dans les sujets, pour les enseignants, c'est sur les manières de libérer l'énergie de la matière. Toutes les formes d'énergie peuvent se libérer. De l'eau, par exemple, peut sortir extraire du feu. Il y a deux feux dans l'eau. Deux gaz combustibles. Hein. L'oxygène, c'est combustible. Hein. Explosif, poussé. L'hydrogène également. Alors, rien qu'avec de l'eau, en variant les températures, en la faisant circuler. Alors, on peut faire des explosions avec de l'eau. Oui. Vous avez des geysers qu'on voit parfois, dans les déserts d'Arizona, tout ça. Mm-hmm. Alors, deux courants se rencontrent à un point tellurique, l'eau monte à midi en l'air. Régulièrement, à tous 60 secondes, hein. Il appelle au feu de fois. Oui, ça monte, puis c'est une pression terrible. Ouais. On peut faire ça dans la cuisine aussi. Oui. Oui, avoir un jet d'eau toutes les minutes, à peu près. Oui, c'est ça d'un plat, alors. Si t'as pas de voisin en haut, Alexandre, oui, ça va. Oui. Mais c'est un fait, j'essaye ça avec deux autres, simplement. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est que t'essayes pas, toi? Oh, ben. Oui. J'ai de l'eau, simplement. Oui. Vous faites un tourbillon. Il y a aussi une chose qui est bien étonnante. Quand je travaillais dans un hôtel comme marmiton, comme cuisinier, j'avais pour fonction de laver les grandes chaudrons de 500 gallons, je crois, là. Avec un ballon. Il remplissait d'eau d'abord, hein, 500 gallons d'eau, pour les nettoyer, après qu'on avait fait de la soupe dedans. On prenait un ballon, puis on faisait circuler l'eau pour enlever la graisse et autre bon. Et quand on avait fait circuler comme ça, on ouvrait la chambre pour que ça descende. Et il se faisait un mur d'eau. À cause de la pression qui se faisait par la section du bord. Mm-hmm. Et on regarde ça, on pouvait descendre quelque chose jusqu'au fond. Il y avait juste au tourbillon, là, qui va de l'eau. On peut renverser ces choses-là. Faire monter ça. Quand je devais mis à l'épreuve. Renverser. Oui. Alors, au lieu d'avoir une force centrifuge, avoir une centripète devient une force centrifuge. Faire monter de l'eau tout le long d'un bassin. Faire monter l'eau au lieu de la faire descendre. Ça se fait. Comment est-ce que tu faisais ça? C'est simplement un mouvement giratoire que vous imposez à l'eau. Ouais. Puis vous mettez du mercure dedans, puis le mercure est immobile. Le mercure se brise, puis fait un tourbillon. Avec du mercure. C'est fantastique. Et exactement un mouvement contraire. Alors l'eau, au lieu de descendre, peut faire une issue, monte. Puis vous avez une belle sphère d'eau. Dans une grande bouilloire, dans un grand chaudron comme ça. Une sphère d'eau, vide au centre, pleine tout autour. Combien de temps est-ce qu'elle peut tenir comme ça? À une certaine température. J'ai pas poursuivi l'expérience assez loin pour en faire une formule, mais assez longtemps. Assez longtemps. Oh oui. C'est une plus loin, une sphère d'eau vide. Elle est vide. Parce que c'est du mouvement qui la tient sphérique, exactement sphérique. Alors, c'était pas la terre creuse, c'était l'eau creuse. L'eau creuse. La mer creuse. Oui. La mer creuse. Ah, connais le phénomène des remous, c'est la même chose aussi, hein. Le remous d'un tourbillon d'eau, exactement la même chose. Dans un. Le remous qui vous attire au haut du remous, vous propulse au bas du remous, n'est-ce pas? Oui. La force est centripète, oui. Au haut, puis vous êtes tourné comme ça, puis vous descendez, puis finalement vous êtes propulsé. Oui. Ah. Alors ça, c'est des forces. Il y a de la force dans l'eau, beaucoup de force. C'est très fort. L'eau, définitivement, c'est une des forces les plus. Les plus. L'eau, on dit que la Terre flotte sur l'eau. Bien, les proportions sont deux tiers, la Terre deux tiers d'eau et un tiers de terre. Exactement, oui. Alors, ce sont des faits connus des scientifiques, connus du monde, puis on peut en prendre avantage en se servant des facilités qu'on peut pour manipuler la matière, les quatre formes de matière. Du feu également, on peut manipuler du feu aussi. De l'eau, de la terre, n'importe quelle terre. et de l'air. Ces quatre forces-là là, peuvent en produire un cinquième qui est tellement subtil qu'elle fait exploser. Elle est trop dynamique pour rester sur la solide. Est-ce que il y aurait une relation, Alexandre, avec la Terre creuse, le fait qu'on ne puisse pas aller dans le fond des mers? Je saurais dire. C'est une question qui vient de me traverser l'esprit comme ça. Dans le milieu sous la mer, Jules Verne en parle, n'est-ce pas? Dans son voyage avec le Nautilus. As-tu vu celui-là? Non. Un roman de Jules Verne, Deux milieux sous la mer. Mm-hmm. J'ai vu le film, mais j'ai... Le film, oui, dans son... Fait. Dans son sous-marin, le Nautilus, qui appelait. Bon, alors, dans les trois premiers chapitres qui sont en préambule à ce livre-là, il donne des précisions scientifiques qui nous font comprendre la raison pour laquelle il a réussi à faire des choses aussi étonnantes avec son Nautilus. Alors, Jules Verne connaissait bien ces forces-là. Et il savait que tôt ou tard, les gens les comprendraient assez pour les mettre en opération. Et le Nautilus, que l'on a fait aux États-Unis, 12-15 ans, mais c'est ni plus ni moins une réplique du Nautilus que Jules Verne avait écrit. Exactement la même chose. Jules Verne avait accès à ce que tu appelles communément la mémoire du futur. Oui, la mémoire du futur, la mémoire akashique, la mémoire de la planète, quoi. Mm-hmm. Parce qu'on a eu des civilisations qui ont procédé, puis c'est resté. Ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont conçu, ça existe encore en puissance. Et si on se met dans une certaine orbite, disons, on peut capter ces choses-là. Le livre de Durantia en parle de ces choses-là. Que les forces que l'on va découvrir bientôt étaient connues il y a plusieurs millénaires. On ne fait que les découvrir. Puis on les découvrira tout d'un coup parce que c'était complète dans ce temps-là. Si on prend l'électricité, par exemple, oui. Ce que Nikola Tesla, ainsi que d'autres, c'est les adeptes de Nikola Tesla, qui ont été, disons, qui ont pas suivi les traces de Nikola Tesla parce qu'ils ont bien vu qu'est-ce que c'est que... Prenez Benjamin Franklin. Comment tu as découvert ça, sérieusement? En lisant des œuvres de ses prédécesseurs. Puis ça prend un savant, c'est plutôt un littérateur, qui est un bon biétiste. C'est ça. Alors, dès qu'on tombe dans une orbite de connaissances, on a accès à cette connaissance-là qui existe dans l'espace, dans les terres ambiantes, la mémoire terrestre. Ouais. Peut-on traverser la croûte terrestre en voyage astral? Oh oui, certainement. Oh oui, ça se fait. Oh oui. Oh oui. Comment expliquer les expulsions souterraines. Explosion souterraine? Non. Implosion? Disons que ce serait explosion, possiblement. Là, ça ferait plus de sens. Comment expliquer les explosions souterraines si on a accès au centre de la Terre en voyage astral, sommes-nous prêts à ce moment-là? Si le phénomène de soucoupe est intraterrestre, peut-il y avoir aussi les extraterrestres extraplanétaires? Je recommence parce que je pense qu'il y a plusieurs volets dans la question. Là. Comment expliquer les explosions souterraines? Oui, d'abord, prenons primo, en premier plan. Les explosions sont toujours entre la lithosphère, la croûte métallique de la Terre et l'humus proprement dit. Alors, la Terre ne voyage pas toujours à la même vitesse, hein, je l'ai expliqué ça d'après le dernier. Et selon sa position dans l'orbite, et la lithosphère peut frotter contre la couche métallique et créer des frictions qui sortiront à la surface de la Terre, là où la croûte de la Terre est plus mince. Ça fera des explosions, des implosions, des éruptions volcaniques. Hein. Bon, ça c'est la première chose, la friction intérieure, la friction des différentes couches de la Terre. Bon, là, des éruptions. Alors ça c'est normal. Ce n'est pas le feu du centre de la Terre, c'est faux, il n'y en a pas. Bon. Alors c'est la friction causée, qui cause le feu, les deux couches, entre la lithosphère et l'ionosphère. Parce qu'il y a continuellement des frictions selon les couches. Oui, exactement. Dans les premiers 10-15 000 dans la croûte terrestre. Oui. Ouais. Et ensuite, ça, le deuxième volet de la question, c'était... Si on a accès au centre de la Terre en voyage astral, sommes-nous prêts à ce moment-là? Oui, dès que vous avez développé cette faculté-là, puis vous l'avez maîtrisée, vous êtes prêts. Vous êtes phlegmatique, vous savez à quoi vous attendre, même si c'est quelque chose d'étonnant. Ou est-ce que ça serait peut-être... Non, c'est pas prêt, je pense. Si on a accès au centre de la Terre en voyage astral, sommes-nous pris à ce moment-là? Pris? À être pris. Capté, prisonnier, quelque chose comme ça? J'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous attachant sur l'air, vous y restez. Vous y restez. C'est le cordon ombilique psychique. On ne peut pas se détacher. À moins de l'avant ou pas. Un cordon d'argent, comme on l'appelle. Non, notre attache est toujours sur terre. Si le phénomène de soucoupe volante, de soucoupe est intraterrestre, peut-il y avoir aussi les extraterrestres ou extraplanétaires? Oui, il y a deux hypothèses au sujet de la source de provenance des soucoupes volantes, des objets volants, hein. Il y en a qui prennent, ça vient d'une autre galaxie, Capella, etc. D'autres qui disent, la plupart viennent du centre de la Terre, sont des infraterrestres. Bon. Alors, il y a deux hypothèses. C'est possible pour, les extragalactiques de faire des objets volants qui conduisent eux-mêmes, c'est probablement possible pour eux d'en faire également. C'est possible que ce soit un endroit de refuge pour les extraterrestres de s'introduire au centre de la Terre.